da vivere. Da vivere. Nique la police nationale, nique le monde est au noir. À 130 dans la ville, donc la voiture vole quand je prends les dodales. Il n'y a rien de marrant, si tu cries pas t'es pas rémunéré. Je reviens plus chaud qu'avant, mais Boumara me dit que c'est mort pour eux. C'est du papier à multiplier, pas le temps pour les futilités. Je les pèse dans tous les sens du terme. Fatalité. J'ai remonté des rimes et j'en ai des logis. J'attends Beta Omega dans le Tokyo Walkie. Le pétard est dans le smoking. Je suis chez Philippe, je fais du shopping. Et les condés me veulent en shooting. Ils me prennent pour Totorina ou John Gotti. La vie c'est dur, je vais pas te faire un croquis. Tout le monde voulait croquer, mais le gâteau n'est pas assez gros. Quand j'avais soif, aucun d'entre vous m'a passé de l'eau. Je suis passé devant, aujourd'hui tu vois que c'est chaud. Et là tu voudrais j'ai mort, mais là c'est mort. Je suis dans la chop avec N.I.C.E. Quick et M.O.U.S.S. J'ai mis le succès dans le GPS. Nick la mère au SS. Nick la mère au SS. Bye bye bye. Je n'oublierai pas les coups de fouet. Je n'oublierai pas le coton et les colonies. Je les entends rapper, raconter que des calomnies. Bande de farceurs, vous n'avez jamais été du côté des chasseurs. Nouvelle yas, nouvelle yaralé, nouvelle paire de chaussures. Je finirai assassiné comme ceux qui disent la vérité. Je finirai assassiné comme ceux qui disent la vérité. Épargne-moi tes bobards, tes baratins. Épargne-moi tes bobards, tes baratins. Si tu fais le fou, on revient pas à qu'un. On revient à trois, mais le chargeur est plein. Si tu fais le fou, on revient pas à qu'un. On revient à trois, mais le chargeur est plein. Recalé par le videur, un an après je suis payé par le patron de la boîte. Tu veux rentrer avec Eni, allez va mettre ta schneck à la station de lavage. Comment expliquer à son fils que je baisse sa maman quand son papa travaille. J'ai gagné la guerre, pourtant je perdais la bataille. Il n'y a que les bonhommes qui montent à bord. Ma génération me fait peur. Elle veut Louboutin et Chanel, mais elle ne sait même pas faire des pâtes au beurre. Et si ça graille, moi je veux ma part. C'est pas les miettes qui m'ont calmé ma faim. À l'école j'étais calé dans le fond. Quand y'avait les schmides, je la calais dans le fion. Et tout s'est vendu, attendre la rédemption. Attendre la rédemption. Charbon, charbon, détention. Pour la réinsertion, ce sera manutention.